الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. إذا أحب عبدا فقهه في الدين. Lorsqu'il aime quelqu'un, il lui donne la maîtrise dans la religion. وآتاه الحكمة. Et il lui apporte la sagesse. وزينه بحسن الخلق. Et il l'embellit par le bon comportement ou la haute moralité. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Lors d'une expédition, وقع قتال بين المسلمين والمشركين. Il y a eu un combat entre les musulmans et les associateurs. وأخذ أحد المشركين يقتل كثيرا من المسلمين. Et l'un des associateurs a tué un grand nombre de musulmans. فقصده أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنه وعن أبيه. Et أسامة fils de Zayd, le bien-aimé, fils du bien-aimé, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, se dirigea vers lui, vers cet associateur. وَرَفَعَ سَيْفَ Il a levé son épée. فَقَالَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُ لَمَّا عَرَفَ أَنَّهُ مَقْتُولُ L'associateur, lorsqu'il a compris qu'il sera tué par Usama, قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ Il a dit, il n'y a aucune divinité à part Allah. فَقَتَلَهُ Usama. Et Usama l'a achevé. وَبَعْدَ رُجُوعِ الْمُسْلِمِينَ Après le retour des musulmans à Médine, قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُسَامَ Le prophète prière et sage lui dit à Usama, son bien-aimé Usama, les habibi Usama, لِمَا قَتَلْتَ Pourquoi tu l'as tué cet associateur فَشَرَحَ Usama أنه قتل عددا من المسلمين. Usama a expliqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quoi cet associateur a tué un grand nombre parmi les musulmans. ولما رأى السيف قال لا إله إلا الله. Et il n'a dit لا إله إلا الله que lorsqu'il a vu l'épée au-dessus de sa tête. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager de Dieu prière et sage sur lui lui dit أقتلته. Est-ce que tu l'as tué quand même? قال نعم. Il a répondu oui. قال صلى الله عليه وسلم et il a dit prière et salut sur lui. فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت هذه الكلمة يوم القيامة. Que vas-tu faire ou comment vas-tu faire de cette formule? Il n'y a aucune divinité à part Allah lorsqu'elle viendra le jour de la résurrection. قال يا رسول الله استغفر لي. Il a dit au messager de Dieu, demande pardon à Allah pour moi. قال صلى الله عليه وسلم. Et il a dit prière et sage sur lui. وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. Et comment vas-tu faire de la ilaha illallah? Il n'y a aucune divinité à part Dieu lorsqu'elle viendra et sortira de sa bouche le jour de la résurrection. رواه الإمام مسلم. Rapporté par l'imam Muslim. وفي رواية dans une autre version. رواه الإمام البخاري ومسلم dans une autre version. Unanimement authentique, Bukhari et Muslim, قال أسامة. أسامة dit, يا رسول الله, إنما قالها خوفا من السلاح. Au messager de Dieu, il n'a dit, لا إله إلا الله, que par crainte de l'arme qui était au-dessus de sa tête. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, et le prophète de la miséricorde, le prophète de la clémence, prière et salut sur lui, قال نبي الرحمة, أفلا شققت عن قلبه. Est-ce que tu as ouvert son cœur pour savoir véridiquement l'a-t-il dit sincèrement ou pas? Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Hada fi man qatala kafiran fi al-harb aw mushrikan fi al-harb shakkan fi islami. Ceci pour quelqu'un qui a tué un associateur dans une bataille avec un doute, est-ce qu'il est vraiment devenu musulman ou pas? فما بالك بمن يقتل عمدا مسلما يصلي ويصوم. Que dire que celui de celui qui tue ou qui donne des fatwas à tuer un musulman qui fait la prière et qui fait le jeûne et qui est marié avec une musulmane et qui a des enfants musulmans. لماذا? Pourquoi? لأن بينه وبينه اختلاف في الأفكار الدينية. Pourquoi tout cela? Parce que entre les deux, il y a une divergence de point de vue religieux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال صلى الله عليه وسلم. Il dit prière et salut sur lui. Pour ceux qui veulent écouter leur messager, يقول لمن يريد أن يسمع لنبيه صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين. يا مسلمين إياكم والغلو في الدين. Méfiez-vous de l'excès dans la religion. Ô musulmans, méfiez-vous dans l'excès ou de l'excès dans la religion. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. Ceux qui vous ont précédés ont péri à cause de l'excès dans la religion. L'excès, ça veut dire aller à l'extrême, devenir un extrémiste. Les extrémistes ont péri avant vous, les extrémistes dont la religion ont péri avant vous à cause de leur extrémisme. الغلو هو التطرف. أن تذهب إلى أقصى الطرف أن تصبح متطرف في الدين. هذا حرام. رواه النسائي وابن ماجه. Rapporté par l'imam النسائي et l'imam ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم. Et il a dit prière et salut sur lui. هلك المتنطعون. On périt. Les excessifs, les extrémistes, al-mughaloun, al-muta'addoun, al-hudoud, al-mutashaddidoun, fi ghayri mawdi'i tashaddud, halak al-mutanatti'oun, ont péri les excessifs, ou bien les extrémistes, halak al-mutanatti'oun, ont péri les extrémistes. رواه الإمام مسلم في صحيحه. Rapporté par l'imam مسلم dans son authentique. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ثلاثا. يأمر أمته بالاعتدال. إياكم والتطرف. Le prophète l'a répété prière et salut sur lui à trois reprises pour nous dire ô ma communauté, méfiez-vous de l'extrémisme. Ça veut dire soyez modéré. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi adam wa hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd, أيها الإخوة والأخوات في الإسلام. Après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى. Très cher au bien-aimé Mohammed al-Mustafa, alayhi afdal al-salat wa azka al-salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. بفضل الصحوة الإسلامية المباركة, grâce à l'éveil islamique béni par Dieu subhanahu wa ta'ala, هناك شباب في العالم الإسلامي أو خارجه يعودون إلى الدين. Il y a une jeunesse, il y a des jeunes dans le monde musulman ou à l'extérieur du monde musulman qui reviennent à la religion. شباب مخلص, des jeunes sincères. فخور بإسلامه, fier de leur islam. فخور بتوبته, fier de leur repentir. نادم على ماضيه وذنوبه وبعده عن الله الذي استمر عدة سنوات. Des jeunes qui regrettent leur passé, qui regrettent leur péché, qui regrettent leur éloignement de Dieu qui a duré très longtemps. Dans quelques cas, malheureusement, tu remarques que le jeûne avant son repentir ressemblait à une fleur belle et jolie. Et après son repentir, normalement, après son repentir, il doit devenir plus beau que la fleur grâce à son islam. Mais malheureusement, il devient comme l'épine. Yu'di kulla man iqtaraba min. Et qui fait mal à toute personne qui s'approche de lui, sa famille. Tu trouves que son père et sa mère pleurent. Il fait du mal ou du tort à ses frères, les musulmans. Al-mujtama, il y a la société dans sa totalité. Limada, pourquoi? Il a jama'a min jama'at il muslimin. Parce que maintenant il a voulu appartenir à un groupe parmi les nombreux groupes musulmans. Wa yani bin qawsayn al jama'a hadi al jama'a yani hadi bid'ah lam takun fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Ma kanat jama'a. Ma kan al muslimun jama'at, kanat jama'a wahida. Je rappelle que le groupe là, je ne dis pas que c'est haram, mais entre parenthèses, le groupe est une invention, est une bid'a qui n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait qu'un seul groupe des musulmans. Maintenant, si tu vois, il y a 1000 groupes, on ne dit pas que ce n'est pas bien, mais il faut quand même respecter des règles. Wa asbaha lahu shaykh. Et maintenant, il a un shaykh, attention, il a un shaykh, il a un maître. Wa kullu shay'in yusbihu 'indahu haraman. Et toute chose devient pour lui interdite. Il va interdire avec son cheikh tout. وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِدَّ كُلَّ السِّنِينَ الَّتِي قَضَاهَا غَارِقًا فِي الدُّنُوبِ بَعِيدًا عَنِ اللَّهِ. Et comme s'il veut à se rattraper, comme s'il cherche à récupérer ou à rattraper toutes les longues années où il était loin de Dieu. En peu de temps, il va se rattraper. Donc il va vers l'extrême, ça veut dire devenir un extrémiste. Il y a son regard, son cheikh, son maître à lui, son groupe à lui, ce sont eux qui détiennent la raison absolue, qui ont raison. وغيرهم من المسلمين المعتدلين أو المسلمين العاديين كلهم على الضلال. Et à part son cheikh, et à part son école, tous les musulmans modérés et tous les musulmans ordinaires sont dans l'erreur, dans l'égarement. وفي بعض المرات ينظر للمسلمين خارج جماعته ككفار. Parfois, lorsqu'on va vers l'extrême, on peut même voir que les musulmans en dehors de son groupe sont des mécréants, ne sont plus même des musulmans parce qu'ils ne suivent pas ce que son école à lui dit. Et il se permet de les tuer parce qu'ils ne sont plus musulmans, ils sont des mécréants. Comme ce que nous avons vu dans pas mal de pays musulmans. التفجيرات الى غير ذلك لي زيكسبلوزيون ايتترا ويظن انه هكذا يقترب من الله اي سانسيرمون il pense que comme ça il s'approche plus de Dieu ومن رسوله صلى الله عليه وسلم il s'approche de son prophète prière et sagesse. هؤلاء الشباب يصبحون كالقناصين. Ces jeunes deviennent comme des snipers. يرمون معظم العلماء والدعاة بالكفر. Et ils visent et ils lancent des accusations de mécréance à la majorité des savants et à la majorité des cheikhs et à la majorité des prédicateurs qui ne sont pas de leur groupe. وينسون بأن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة. Et ils oublient que la sacralité du musulman dépasse la sacralité de la Kaaba. وينسون بأن لحوم العلماء مسمومة. Et ils oublient que la chair des savants est empoisonnée. هؤلاء الشباب المسلم المخلص, ces jeunes musulmans sincères, لقلة علمهم وقلة خبرتهم, par manque de science et de savoir, par manque d'expérience, يُرِيدُونَ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَهُمْ. Ils veulent que la totalité des musulmans soient comme eux, à leur image. كَأَنَّهُ لَا يُوجَدُ طَرِيقٌ إِلَى اللَّهِ إِلَّا طَرِيقُهُمْ وَطَرِيقُ شَيْخِهِمْ. Comme quoi, comme s'il n'y a aucun chemin dans le monde qui mène vers Dieu, à part le leur et à part le chemin de leur cheikh à eux. وَنَسْأَلُ اللَّهِ الهداية لجميع الشباب المسلم. Et on demande à Dieu de bien orienter, de bien guider la totalité de la jeunesse musulmane. لأننا نحب جميع الشباب, parce qu'on aime tous les jeunes musulmans. كانت هذه المقدمة ونمر الآن إلى التفاصيل. C'était là l'introduction et on passe maintenant au développement. مع النقطة الأولى, avec le premier point, الاختلاف سنة إلهية كونية. La divergence est une sunna ou est une loi divine universelle. إذا نظر الإنسان للكون, si l'homme, si l'individu observe le monde, l'univers, سيجد الاختلاف في كل مظاهر الكون. Il va remarquer la divergence dans la tous les aspects du monde et de l'univers. L'ikhtilaf signifie pas mal de termes en français, mais en arabe on dit un seul mot, l'ikhtilaf. L'ikhtilaf en français signifie la divergence, signifie la diversité, signifie la différence, signifie même le désaccord, parfois. Il va remarquer la diversité dans le monde entier. Hada l'ikhtilaf يعطي للعالم غنى وجمالا. Cette diversité donne une richesse, une beauté extrême à l'univers et au monde. قال الخالق تعالى, le créateur le très haut dit, ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. Ne vois-tu pas que Dieu a fait tomber du ciel une eau avec laquelle nous fîmes sortir des fruits aux couleurs diverses? Subhanallah, gloire et pureté à Dieu. Al-ma' wahid. Wa min ma'in wahid akhraj Allah thamarat mutanawwi'a mukhtalifa. L'eau est unique et à partir de l'eau unique, Dieu a fait sortir des fruits divers, de couleurs diverses et de goûts diffère. Allah wahid wa khalaq al-kawun mukhtalif. Dieu est unique et il a créé la diversité dans l'univers. Wa huna yu'atina al-mithal. Et là il nous donne l'exemple. Al-ma' wahid. L'eau est unique. Walakin unduru madha yu'ati. Mais regardez ce que l'eau peut donner par la suite. Wa min al-jibali judadun bidun وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. Dans les montagnes, il y a des rayures blanches et rouges aux différentes nuances et d'autres à la noirceur excessive. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. Et parmi les hommes, les animaux et le bétail, il en est de même aux différentes couleurs. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Seul craint Dieu de tous ses serviteurs, les savants. Dieu est puissant et infiniment absoluteur. وقال الخالق, et le créateur a dit dans un autre verset, قال سبحانه وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم. Parmi ces signes, il y a la création des cieux et de la terre et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Il y a en cela des signes certains. Pour les gens qui savent, inna fi dhalika la'ayatin hasab warsh lil 'alamin wa hasab hafs lil 'alimin alladhina ya'lamun. Kana bil imkan an takuna al-lugha wahida. Il était possible pour Dieu de faire une seule langue. Par exemple, l'arabe, pas de français, pas d'allemand. Wal-lawn wahid. Et il était possible pour Dieu de faire une seule couleur, tout le monde blanc, ou tout le monde noir, ou tout le monde avec une autre couleur qu'on ne connaît même pas. Les kol annas, pour l'humanité entière. Walakin Allah al-Khaliq arad al-ikhtilaf. Waja'alahu ayah min ayatihi. Mais Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, a opté pour la diversité. Et il a fait de la diversité un signe majeur parmi ces signes divins. Ikhtilafu al-layli wan-nahar, la diversité entre le jour et la nuit, l'alternance. Ikhtilaf as-suhul wal-jibal wal-anhar, al-ard mush sawa, la diversité entre les plaines, entre les montagnes, les fleuves, la mer. Dieu n'a pas fait de la terre un seul bloc, des plaines seulement, des montagnes seulement, des fleuves seulement. Ikhtilaf al-fusul, une diversité des saisons. Al-Kharif, l'automne. Al-Shita, l'hiver. Al-Rabi', le printemps. Al-Saif, l'été. Il a akhiré, etc. Bal innana nara al-ikhtilaf fil-ikhtilaf. Même, ou plus que ça, nous observons la diversité dans la diversité. Hunak ikhtilaf al-hayawanat. Il y a la diversité des animaux. Mathalan, par exemple, ولكن داخل الصنف الواحد من الحيوان تجد اختلافا كثيرا. Mais dans le même genre d'animal, tu trouves une diversité. انظر مثلا, regarde par exemple, عالم الكلاب, le monde des chiens. هناك عدة أنواع كلها تسمى الكلاب. Il y a plusieurs genres, tous ils s'appellent des chiens. On n'appelle pas un parmi eux une chèvre. Tous des chiens. كذلك هناك اختلاف في الثمار. De la même manière, il y a une diversité dans les fruits. ولكن داخل الصنف الواحد, mais à l'intérieur d'un même genre de fruits, تجد اختلافا كبيرا. Tu trouves une grande variété. انظر مثلا, regarde par exemple, فاكهة التفاح, le fruit qui s'appelle la pomme. كم فيها من أنواع? Combien y a-t-il de sortes de pommes, de couleurs différentes, de tailles différentes, de goûts différents, et tous ils s'appellent la pomme. Wa kulluha tusamma at-tufah. Bil qiyas, al-aqil sayaqul fi 'alam al-muslimin hunak 'iddat anwa' wa 'iddat jama'at kulluha tusamma al-muslimun. Par analogie, l'homme raisonnable va dire, dans le monde des musulmans, il y a plusieurs groupes. Il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs sortes, mais tous ils s'appellent des musulmans. On ne peut pas dire une partie c'est les musulmans, les autres c'est les mécréants. Non, tous des musulmans. Tous ils vont entrer au paradis, malgré que tu le veuilles ou non. Ahbabta shi'ta am karihta. Amma man arada an yuzil kull al jama'at ويترك واحدة جماعته فهو كالذي أراد أن يزيل كل أنواع التفاح ويترك نوعا واحدا في التفاح. Celui qui veut éliminer tous les groupes musulmans et veut conserver seulement son groupe à lui ressemble à celui qui veut éliminer toutes les variétés des pommes et laisser une seule variété. هذا يريد أن يحارب مشيئة الله في الكون. Celui-ci, on lui dit, mon frère ou ma sœur, tu veux combattre la volonté de Dieu dans l'univers. لقلة علمك, à cause de ton ignorance. Tu le sais pas, inconsciemment tu combats Dieu subhanahu wa ta'ala. من غير شعور انت تحارب الله. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. المفسرون قالوا أمة واحدة, دين واحد, الإسلام انتهى, نصبح كالملائكة, تطيع وانتهى. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة, بمعنى إذا رأينا الاختلاف هذا كافر وهذا مسلم, بمعنى أن الله لم يشأ ذلك, مشيئته أرادت الاختلاف. Si ton Seigneur voulait, il ferait de tous les humains une seule nation. Les interprètes du Coran ont dit une seule religion. Mais comme on voit une diversité, il y a des mécréants, il y a des croyants, ça veut dire Dieu, sa volonté n'était pas cela. Sa volonté était la diversité. قال ولا يزالون مختلفين. Et ils ne cesseraient jamais de vivre dans la différence, إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. بمعنى الله خلقهم للاختلاف وخلقهم لرحمته إلا من شاء ربك خلقهم لمن رحم إلا من رحم ربك خلقهم للاختلاف وخلقهم للرحمة. Et ils ne cesseraient jamais de vivre dans la différence, sauf ceux que ton Seigneur a touchés de sa miséricorde. Et c'est bien pour cela qu'il les a créés. Ça veut dire qu'il les a créés, les humains, Dieu les a créés pour la différence, pour la divergence et aussi pour sa clémence. Al-Khaliq arada an yakuna an-nasu ahraran. Le Créateur a voulu que les humains soient libres. Pas de dictature. Les humains libres. لم يجبرهم على دين واحد. Dieu, malgré sa puissance, malgré qu'il est Dieu, il n'a pas contraint tout le monde à la même religion. ترك لهم الاختيار. Il leur a laissé le choix. Et pourquoi toi tu veux éliminer ces choix? Et tu veux que tout le monde, tu veux choisir aux autres? S'il te plaît, mon frère, ma soeur, choisis seulement pour toi. Et laisse les autres, comme des grands, choisir pour eux. اختيار الإيمان أو الكفر. Il leur a laissé le choix de croire ou ne pas croire. وحرية الاختيار تعطي الاختلاف. Et la liberté du choix mène tout droit vers la diversité. وهكذا يكون الجزاء العادل في الآخرة يوم القيامة حسب الاختيار الحر في الدنيا. Ainsi, là aura la récompense juste, il y aura la récompense juste dans l'au-delà le jour de la résurrection selon le choix libre qu'avait chacun de nous dans le bas monde. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. C'est bien pour cela qu'il les a créés. لِحُرِّيَتْ الْإِخْتِيَارُ وَالْإِخْتِلَافِ. Pour le choix, pour la liberté du choix et de la diversité, la divergence. وَبِمَا أَنَّ الْإِخْتِلَافِ يُؤَدِّي إِلَى الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ عند غير العقلاء. Et comme la divergence mène vers l'inimitié et la haine chez les non raisonnables, هناك من سيرحمهم الله فيكون اختلافهم ألفة. Il y aura des gens qui seront touchés par la miséricorde de Dieu telle façon que leur divergence devient une entente. فبرحمة الله يصبح الائتلاف مع الاختلاف. Et grâce à la miséricorde de Dieu, on aura l'entente à côté de la divergence. فهناك اختلاف الرحمة. Il y a la divergence de clémence, de miséricorde. وهناك اختلاف الفرقة. Il y a la divergence de discorde. والمسلمون عليهم باختلاف الرحمة. Les musulmans doivent opter pour la divergence de clémence, de miséricorde. L'ikhtilaf al-furqa wal-adab. Et ils ne doivent pas opter pour la divergence de désunion, de discorde et de souffrance. Qala ta'ala, Dieu dit dans un verset coranique, wa'tasimu bihablillah. Hablillah huwa al-Qur'an. Wa'tasimu bil-Qur'an. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Accrochez-vous tous ensemble à l'accord de Dieu. L'accord de Dieu, c'est le Coran. Et ne vous désunissez point. Il a un qala ba'da aya, jusqu'au point de dire après un autre verset, wa la takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu. Huna ikhtilaf ma'a furqa. La, hada mush jayyid. Wa la takunu kal ladina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Ne soyez pas comme ceux qui se sont désunis et sont tombés dans le désaccord. Là, c'est pas bien. Il y a un désaccord avec désunion. Après avoir reçu les preuves évidentes, أولئك لهم عذاب عظيم. Ceux-là auront de très grands tourments. وقال تعالى, Dieu dit dans un autre verset coranique, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُوا. المفسرون قالوا لا تنازعوا لا تختلفوا، اختلاف فرقة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Obéissez à Dieu et à son messager et ne vous disputez point. Les interprètes du Coran ont dit, par là, Dieu veut dire, ne soyez pas en désaccord ou une divergence de désaccord. Ne vous disputez point, sinon vous perdiez courage et votre ardeur s'en irait à jamais. Donc la conclusion en islam, oui, pour la divergence avec miséricorde, parce qu'il est naturel qu'on soit en divergence. Ainsi on a été créé. Et c'est bien pour cela qu'il les a créés. Mais en même temps, on dit non pour la divergence qui ramène la discorde. Le deuxième point, on passe maintenant vers les raisons, les causes de divergence chez les musulmans. Je vais citer quelques-unes de ces raisons. Mais les raisons de divergence entre les musulmans dans la religion sont très, très, très nombreuses. Je ne peux pas les citer dans un cours ou dans deux ou même dans trois. Tout est fait pour qu'on soit divergent. كل شيء يدفعنا للاختلاف في الإسلام ولكن اختلاف الرحمة مي لا ديفيرجونس دو كليمونس. اولا premièrement حبل الله القرآن l'accord de Dieu qui est le Coran الذي نعتصم به auquel on doit tous nous accrocher جاء بلسان عربي. Cette corde ou ce Coran est venu avec une langue arabe. وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. De la même manière, les hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم sont en arabe. هذه النصوص محدودة. Ces textes, Coran ou Sunna, sont bien limités. Il n'y a pas des milliards de versets coraniques et des milliards de hadiths. Un certain nombre limité. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. Le messager de Dieu, prière et sagesse, lui est décédé. Celui qui peut nous dire, voilà, il faut faire comme ça ou comme ça, devant un tel problème qui va arriver. كيف نعمل أمام الأشياء الجديدة التي تظهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. Comment doit-on faire devant tous les problèmes qui vont apparaître, les problèmes nouveaux qui n'existaient pas à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, et ceci jusqu'à la fin des temps. وهذه المشاكل غير مذكورة في النصوص الدينية المحدودة. Bien sûr, ces nouveaux problèmes n'existent pas, ne sont pas cités dans les textes religieux bien limités, coraniques ou du hadith. الجواب, la réponse, حل كل الأزمات والمشاكل الآتية موجود في القرآن والسنة. La réponse, la solution de tous les problèmes, de toutes les crises à venir jusqu'à la fin des temps, leur solution se trouve dans le Coran et dans la Sunna. ولا يستطيع أحد أن يجد هذه الحلول إلا العلماء. Et personne ne peut trouver ces solutions qui sont cachées dans le Coran et dans les hadiths à part les savants. المفتاح هو العالم. La clé s'appelle le savant. لهذا فرض الإسلام على العالم الاجتهاد وحرم عليه التقليد. Raison pour laquelle l'islam a imposé aux savants de faire l'effort intellectuel de réflexion pour tirer les solutions des textes religieux et lui a interdit d'imiter les autres. Moi, je peux imiter, je ne suis pas un savant. Mais le savant n'a pas le droit d'imiter les autres. Il doit fournir lui-même l'effort. L'ijtihad, l'ijtihad, c'est fournir l'effort pour comprendre le texte. Al-alim yandur fil nusus yajtahid bi ikhlas. Donc le savant regarde le texte qui est devant lui avec sincérité. هدفه الوحيد هو الوصول إلى الحق فقط. Son seul but, c'est d'atteindre la vérité parce qu'il travaille avec Dieu. لأنه يعمل مع الله. هذه عبادة. Il s'agit là d'une adoration. فإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. Lorsqu'il fournit l'effort et commet l'erreur, ce qu'il trouve c'est faux, erreur, له أجر. Il aura un salaire, une fois le salaire, auprès de Dieu. وإذا أصاب فله أجران. Mais lorsqu'il a raison dans son effort, c'est-à-dire il n'a pas commis d'erreur, il aura deux fois le salaire auprès de Dieu. Muttafaqun alayh, unanimement authentique, Al-Bukhari et Muslim. وهذه هي العدالة الإلهية. Telle est la justice divine. لا يمكن أن نقول للعالم اجتهد. On ne peut pas dire à un savant fournis l'effort. وإذا أخطأت فلك جهنم. Mais lorsque tu fais l'erreur, tu vas tout droit à la GN. فلا يقبل أحد أن يكون عالما. Personne n'acceptera de devenir un savant parce que en cas d'erreur, c'est la GN. والعلماء هم ورثة الأنبياء. Les savants sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les héritiers des prophètes. والعلماء الأوائل تعلموا على يد الصحابة رضوان الله عليهم. Les premiers savants qui appartenaient à la génération des successeurs, parce qu'il y avait la génération des compagnons, et après eux la génération des successeurs qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ont vu les compagnons. Les premiers savants de cette génération ont appris devant ou chez les compagnons du prophète, prière et sacrifice. وَالصَّحَابَ كَانُوا مُخْتَلِفِينَ. Et les compagnons étaient en divergence en ce qui concerne la religion. فِيهِمْ الْمُتَشَدِّدِ. Il y avait parmi les sahaba, parmi les compagnons, l'endurcisseur. وَفِيهِمْ الْمُتَسَاهِلِ. Et il y avait parmi eux le facilitateur. فَهُنَاكَ شَدَائِدُ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Il y a les endurcissements de Ibn Omar, le fils de Omar, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, Omar ibn al-Khattab. وَهُنَاكَ رُخَصْ ibn Abbas, radiyallahu anhu. Et en même temps, chez les compagnons, on trouve les autorisations, les facilités de Ibn Abbas, le fils de Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père. وَالْإِسْلَامِ يُوجَدْ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَطَّيْنِ الْمُتَبَاعِدَيْنِ. Et l'islam, c'est tout ce qui existe entre ces deux traits lointains. Tout ce qui est entre ces deux traits, le trait de Ibn Omar et le trait de Ibn Abbas s'appelle l'islam. Shada'id Ibn Omar, les endurcissements de Ibn Omar, wa rukhas Ibn Abbas et les facilités ou les autorisations de Ibn Abbas. Wa kullu ma bayna al-khattayn yusamma islaman. Tout ce qui est entre les deux traits s'appelle l'islam et non pas la mécréance. Al-islam laysa khattan wahidan kama yurid al-ba'd. L'islam n'est pas un seul trait fin comme un cheveu, comme le veut une partie, malheureusement. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ashabi kan-nujum. Le prophète dit, nous dit que mes compagnons sont comme des astres ou comme des étoiles. Bi ayyihum iqtadaytum ihtadaytum. Suivez n'importe lequel parmi elles, parmi ces étoiles, et vous serez guidés ou vous serez orientés. لم يقل كلهم نجما واحدا وعليكم باتباعه. Le prophète n'a pas dit tous mes compagnons constituent une seule étoile et vous devez la suivre. لا نجوما مختلفا. Non, des étoiles diverses. ولكن كلها تهدي الى الجنه. Mais toutes ces étoiles mènent droit vers le paradis. وكل عالم من التابعين تعلم عند صحابي او اثنين. Et chaque savant parmi les successeurs a appris la science religieuse auprès d'un compagnon, auprès de deux. والاختلاف الموجود عند الصحابة انتقل إلى جيل التابعين. Et la diversité ou la divergence qui se trouvait chez les compagnons était déplacée vers la génération des successeurs. وهكذا إلى يومنا. Et ainsi de suite jusqu'à nos jours. وفي الأخير أوصيكم ونفسي بتقوى الله. À la fin, je vous recommande et je recommande à moi-même la piété et la crainte de Dieu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله. Après ceci, serviteurs de Dieu, أمر إلى النقطة الثانية من أسباب الاختلاف. Je passe au deuxième point parmi les causes ou les raisons de la divergence. اختلاف في فهم النصوص الدينية. Une divergence dans la compréhension même des textes religieux. فعالم يقرأ آية أو حديثا ويفهم شيئا. On prend un savant X, il va lire un texte d'un verset ou d'un hadith et il va comprendre une chose. وآخر يقرأ نفس الآية أو نفس الحديث ويفهم شيئا آخر. un autre savant, il va lire le même verset ou le même hadith et il va comprendre autre chose. لأن هناك من يقرأ قراءة حرفية ينظر لظاهر الكلمة. Parce qu'il y a le savant qui fait une lecture littérale, il regarde seulement le sens du mot. وآخر يقرأ وينظر لروح النص. Et un autre savant qui lit, mais qui ne fait pas la lecture littérale, il voit le sens, l'esprit du texte entier. وكل واحد على صواب. Et chacun des deux a raison. لا يمكن أن يقول أحد العالم الذي أتبع وحده على صواب. Personne ne peut dire mon savant que je suis est l'unique qui a raison. والآخر على خطأ. Et l'autre n'a pas raison. لأن هذا جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. Parce que cela a eu lieu à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. قال مرة للصحابة. Une fois le prophète prière et celui a dit aux compagnons: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. Celui parmi vous qui croit vraiment en Dieu et au jour dernier, فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. Qu'il n'accomplisse la prière de l'Asr, la prière centrale, la prière de l'Asr, que dans la tribu de Banu Qurayda. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Sayadhabuna li muharabat Banu Qurayda. Ils vont faire un combat ou une guerre contre les Banu Qurayda. Ils doivent se dépêcher. Wa inda iqtirab al-ghurub, et lors de la proximité du coucher de soleil, hasal ikhtilaf bayna as-sahaba, il y a eu une divergence, je dis bien une divergence de point de vue entre les compagnons. Hal yusalluna al-'asr am la yusalluna al-'asr? Doivent-ils faire la prière de l'Asr? Le soleil va se coucher. Ou ne doivent-ils pas faire la prière de l'Asr? Fariqun qal, un groupe a dit, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala lana la tusallu al-Asr illa fi Banu Qurayda. Le prophète nous a dit, ne faites la prière de l'Asr que chez la tribu de Banu Qurayda. Fala ma'si Rasulallah. On ne doit pas désobéir au prophète de Dieu. Wa sanusalli al-Asr ba'da ghurubi ash-shams fi Banu Qurayda. Et on va accomplir la prière de l'Asr après le coucher du soleil chez les Banu Qurayda. Wa fariqun qal, l'autre groupe a dit, نصلي العصر الآن. On fait la prière de l'Asr maintenant. فهو فرض. C'est une obligation. Attention, l'Asr c'est une obligation. وهو الصلاة الوسطى. C'est la prière centrale que Dieu nous a recommandée dans un verset coranique. ومن لم يصلي العصر في وقته. Et celui qui n'accomplit pas l'Asr à son heure, فكأنما ضيع ماله وأهله. قالها النبي صلى الله عليه وسلم. C'est comme s'il a perdu ses biens et ses proches. C'est le prophète qui a dit ça. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. Le prophète, lorsqu'il nous a dit ne faites la prière de l'Asr que chez Banu Qurayda, أراد منا أن نسرع في الذهاب. Il a signifié par ce texte qu'on se dépêche dans l'allée. C'est tout. فنحن أسرعنا. On s'est dépêché. On a fait ce que le prophète a dit. On s'est dépêché. ولكن لا نضيع الصلاة صلاة العصر. Mais on ne doit pas rater à l'heure ou négliger la prière de l'Asr, parce que c'est le prophète même qui nous a appris à ne pas négliger la prière de l'Asr. Donc une divergence à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, بين الصحابة, entre les compagnons, ولهذا خلقهم. Et c'est bien pour cela qu'il les a créés, l'ikhtilaf, pour la divergence. ولكن اختلافهم كان رحمة وألفة. Mais leur divergence était une entente et une clémence. لم يسب أحد الآخر. Personne n'a insulté l'autre. لم يتقاتلوا. Ils n'ont pas fait un combat entre eux. Eux, ils veulent se battre contre les Banu Qurayda. لم يكفر أحد الآخر. Personne n'a traité l'autre de mécréant. Tu désobéis au prophète صلى الله عليه وسلم, je te tue. فريق صلى في الطريق. Un groupe a fait la prière dans le chemin, wa fariqun salla fi Banu Qurayda, et un autre groupe a fait la prière chez Banu Qurayda. Wa kull fariq ihtarama al-fariq al-akhar. Chaque groupe a respecté l'autre groupe. لأن النص النبوي يحتمل الأمرين. Parce que le texte prophétique supportait les deux interprétations. فكل فريق له دليله. Chaque groupe a ses arguments. وكل فريق أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et chaque groupe a obéi au prophète de Dieu, prière et sacrifice. ولما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام, lorsqu'ils ont informé le prophète, prière et sacrifice, لم يعنف صلى نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم لم يعنف ahadan min al-fariqin. Lorsqu'on lui a raconté l'histoire, le prophète de la clémence n'a critiqué aucun groupe. Bima'na aqarra an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ikhtilafahum wa aqarra ikhtiyara kull fariq. C'est-à-dire le prophète, prière et sa souli, a approuvé leur divergence et a approuvé le choix de chaque groupe. Hada an-naw' min al-ikhtilaf يوجد بكثرة عند العلماء منذ فجر الإسلام. Ce genre de divergence existe en abondance depuis l'aube de l'islam chez les savants musulmans في فهم النصوص الدينية, pour comprendre les textes religieux. الشيء الثالث, la troisième chose, الأحاديث النبوية, les hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم. كانت مصدر اختلاف عند العلماء. Les hadiths du prophète, prière, étaient une cause ou une source de divergence chez les savants. هناك الحديث الذي يقبله عالم. Il y a le hadith qui est accepté par un alim, par un savant. لأن رواته ثقات, parce que ses rapporteurs sont dignes de confiance. وعالم آخر لا يقبله ويضعفه. Un autre savant ne l'accepte pas ce hadith et le traite comme faible. لأنه يرفض ثقة أحد رواته, parce qu'il n'accepte pas que l'un de ses rapporteurs est digne de confiance pour lui. وهكذا يحصل اختلاف وكل على صواب. Ainsi il y a la création d'une divergence et chacun a raison. هناك الحديث الصحيح يقبله عالم. Il y a le hadith qui est authentique, accepté par un alim, un savant. وآخر يرفضه, et un autre le refuse. لأنه حديث أحد أتى من طريق واحد وغير متواتر, parce que c'est un hadith élémentaire, d'une chaîne élémentaire et non pas de plusieurs chaînes, n'est pas mutawatir. وهكذا يحصل اختلاف. Ainsi il y a une divergence. هناك الحديث المتواتر الصحيح يقبله عالم. Il y a le hadith même hautement authentique, c'est-à-dire mutawatir, qui vient par plusieurs chaînes. وعالم آخر يرفضه, et un autre عالم le refuse. لأنه يمثل حالة خاصة, parce que pour lui il dit que ce hadith qui est hautement authentique était un cas particulier. Le prophète a parlé d'un cas particulier et on ne peut pas le généraliser pour tous les musulmans. ولا يجب أن يعمم لكل المسلمين. وهكذا يصير خلاف. Ainsi il y a une diversité ou une divergence. رابعا تفسير اللغة العربية. Quatrièmement, l'explication même de la langue arabe. هناك بعض الكلمات العربية التي تعني أكثر من معنى. Il y a des mots arabes qui signifient plus d'un sens. مثلا كلمة القروء. Par exemple, le mot قروء في القرآن الكريم, dans le Saint Coran, في العربية كلمة قروء تعني الحيض. Dans la, en arabe, le mot قروء signifie les monstres de la femme. وكذلك كلمة قروء تعني الطهر من الحيض. Et en même temps, en arabe, le mot قروء signifie l'absence de monstres chez la femme. فاختلف العلماء بسبب كلمة قروء. Donc il y a eu une divergence à cause de ce mot. كل عالم فسرها بمعنى. Chaque عالم a suivi un sens. رابعا عمل أهل المدينة, l'œuvre ou la pratique des gens de Médine ou les habitants de Médine. الإمام مالك رضي الله عنه, l'imam Malik, que Dieu soit satisfait de lui, كان يقدم عمل أهل المدينة على حديث الأحد الذي يرويه واحد. Donc l'imam Malik donnait une priorité à la pratique des habitants de Médine par rapport au hadith qui est raconté d'une façon élémentaire, d'une chaîne élémentaire qui n'est pas mutawatir. لأنه يقول عشرات الآلاف رأوا النبي صلى الله عليه وسلم, parce qu'il dit des milliers, des dizaines de milliers de gens ont vu le prophète صلى الله عليه وسلم. وفعلوا مثله, et ils ont fait comme lui. وأبناؤهم فعلوا مثلهم, et leurs enfants ont fait comme eux. وهكذا, ainsi de suite jusqu'à notre époque. فالآلاف أولى عنده من حديث واحد. Donc des dizaines de milliers sont prioritaires pour lui par rapport à un seul. الأئمة الآخرون رفضوا هذا. Les autres imams ont refusé cela. وكل واحد على صواب, et chacun d'eux a raison. كانت هذه بعض أسباب الاختلاف بين علماء المسلمين. C'était là quelques raisons de divergence chez les alims ou chez les savants musulmans. لا كل الأسباب فهي جد كثيرة. Et c'était pas bien sûr toutes les raisons, parce qu'elles sont très nombreuses. والاختلاف كما قلنا سنة إلهية كونية كما رأينا. Et la divergence est une loi divine, divine universelle. والاختلاف كان بين العلماء مع الائتلاف والرحمة. La divergence existait entre les savants avec l'entente et la clémence. Min huna ja'at hadhihi al-qa'ida, de là les savants ont tiré cette règle d'or, ikhtilaful ulama rahmatul lil umma. La divergence des savants en islam est une clémence pour la communauté musulmane. Wa laqad qala al-khalifa Omar ibn Abd al-Aziz radiyallahu anhu, le grand calife Omar fils de Abd al-Aziz que Dieu soit satisfait de lui a dit: ma uhibbu أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلفون. Je n'aurais pas souhaité que les compagnons du prophète, prière et salut sur lui, soient d'accord ou d'une seule voix sans divergence. لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق. Parce que s'il y avait un seul avis, les gens seraient en difficulté, en étroitesse. وأنهم أئمة يقتدى بهم. Et les compagnons sont des imams à suivre. فلو أخذ رجل بقول أحدهم لكان سنة. Quand quelqu'un va suivre l'un d'eux, ça va être une sunna pour lui. فمن عنده علم, celui qui a la science et le savoir, وعرف أسباب الاختلاف, il a connu les raisons de la divergence, سيقبل ذلك, il va accepter cela. كما قبله النبي صلى الله عليه وسلم, exactement comme l'a accepté le prophète, prière et salut sur lui. وسيحترم جميع العلماء وجميع المذاهب, et il va respecter sans doute tous les savants et toutes les écoles. وسيحب الجميع وإن كان يخالفهم, et il va aimer tout le monde même s'il est en divergence avec eux. وأما الجاهل قليل العلم, par contre l'ignorant, celui qui manque de science et de savoir, فَسَيَكْرَهُ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءُ وَالْمَدَاهِبِ, il va détester la divergence des savants et des écoles. وَبِالتَّالِي سَيَكْرَهُ الْعُلَمَاءَ أَنفُسَهُمْ, et par la suite il va détester même les savants eux-mêmes. وَيُصْبِحْ عَدُوًا لَهُمْ, et il va devenir un ennemi à eux. وَهَكَدَ يُصْبِحْ عَدُوًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, ainsi il deviendra un ennemi de Dieu et de son messager. نَسْأَلُ اللَّهِ أَنْ يَزِيدَنَا عِلْمًا وَحُبًّا لِكُلِّ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ, on demande à Dieu de croître et d'augmenter notre amour pour tous les savants musulmans, et on demande à Dieu d'augmenter notre amour pour tous les musulmans. Et aujourd'hui nous avons vécu avec le côté théorique et historique, et la semaine prochaine, inshallah, nous allons vivre avec le côté pratique. Comment doit-on pratiquer le respect dans la divergence? أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.